C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est la portion top 5 des palmarès C'est fou pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Sachez-le, pendant que vous allez manger votre petit sandwich ou peut-être une poutine ou une soupe, ça fait très avec la température qu'on a depuis la dernière semaine. C'est une drôle d'idée, là. Sandwich, soupe, mais poutine au milieu. Ben, écoute. Écoute, on a tous une rage de quelque chose à un moment donné. C'est ça, exactement. Et on est jeudi. C'est juste différent les uns pour les autres. Jeudredi. Exactement. On l'appelle Miam. Donc aujourd'hui, on va se taper le top 5, pas juste des frites, du fromage et de la sauce. On a tout ça, hein, mais musicalement parlant, ça va être comme un genre de mélange musical. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va entendre plein de bonnes choses, dont Busty and the Bass, The Pack 80, The Soul Jazz Orchestra en anglophone, entre autres. Oui, du côté francophone, eh bien, on va essayer de savoir, en fait, si le top 1 est toujours « Mon doux Seigneur » et « Ici-bas mm-hmm. ». On va essayer de savoir aussi si Danny Placard se retrouve toujours dans le top 5. Oh, si Pony est là. Vous allez voir. Plein de questions. Beaucoup de choses. Bon, l'anglophone, ben, c'est nos préfs, hein, Ben Sinister, qui était en numéro 1 la semaine passée avec « Move a little slower ». J'ai hâte de voir si c'est toujours au sommet. Mm-hmm. Il nous reste une petite heure avant de le savoir. Aussi, en fin d'émission, du « Huile de palmarès ». Oui, tout à fait. De l'huile de palmarès. De l'huile de palmarès. L'huile de palme. On continue un petit peu le segment d'hier, si vous vous appelez hier ou le dernier segment. La dernière fois qu'on a fait ça. C'est ça, exactement. On a fait un petit spécial rap ou hip-hop. Mm-hmm. Eh bien, ça va se continuer aujourd'hui. Ça va être du québécois, vous allez voir, mais c'est très, très bon. C'est pour que vous vous sentiez gangster, sachez-le. À la fin de l'émission, on va être gangster. Exactement. Au début, on prend ce coup. On a déjà les chaînes dans le cou, là, puis les pantalons jusqu'aux genoux. Wow. Belle image. Numéro 5, anglophone, c'est The Soul Jazz Orchestra. Ça, c'est la pièce de 7 minutes quelques, Doggy Dog. Ça monte la 19e, c'est nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on descend de deux positions pour Héros ou Ennemis d'Octoplate. Les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Que l'air est lent.

The Soul Jazz Orchestra, Doggy Dog, position numéro 5. C'est nouveau en 19e place la semaine passée. Cette chanson-là, là. Eh, hey, hein, estivale pas mal, hein? Ah, oh, j'adore ça. Honnêtement, là, ça te change un mood complètement. J'allais dire que ça te donne envie d'aborder tes soucis, brasser de la big business, là, le midi, là. Laisse faire ça, mets ça de côté, là. Exactement. C'est vraiment ça. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Héros ou Ennemis, une chanson d'Octoplot. On se disait justement, je sais pas si l'album est aussi bon que cette tune-là, j'espère. Faudrait se forcer pour l'écouter parce que c'est vraiment excellent, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis très d'accord. C'est pas le genre de musique, la musique qui fesse comme ça, c'est pas le genre de choses que j'écoute souvent, mais ça, Olinéa? Oui. Ça fesse. Ouais, c'est vrai. Ça. Des fois, c'est ça que ça prend. On dirait rouge pompier aussi, des fois. Bref, oui. C'est pas dans notre genre, mais c'est dans notre genre, apparemment. Exact. Position numéro 4, cette fois-ci. Celui-là va être partagé entre notre genre et vraiment pas notre genre. Du côté anglophone, c'est Busty and the Bass avec Up Top qui monte de la 18e place, donc nouveau la semaine passée aussi. Et du côté francophone, en 4e position, eh bien, j'ai le malheur, ou plutôt le bonheur, de vous dire que c'est notre ancien numéro 1. Hey, hein? Donc, automatiquement, on a eu une petite drop. C'est pas grâce à nous, ça, que c'est... De 3 positions. Ouais. Mais, ça veut aussi dire qu'on va avoir un nouveau top 1. Qu'on plus va tard. Aimer. Qu'on va probablement aimer, j'espère, en tout cas. Donc, en 4e position, voici Ici-bas avec mon doux Seigneur. Ce n'est pas le mal assez fou. Au 89 FM. De se rendre. Up top, reaching, up top, reaching, up top.

3. Spend my days without you standing by my side, and I wonder when my feelings won't give up and hide. You got up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, I'd say what's on my mind. 'Cause if it is your plan, does it make me less a man? What's life without the time to breathe? Do I have to reach out and pull you back to me? C'était la pièce de Ben Sinister, Move a Little Slower, l'ancien numéro 1 anglophone qui descend de 2 places en 3e. Comment? Oh, on l'aime tellement, cette chanson-là, Mathieu! Oui, il fallait dire plus fort! Je sais, je suis désolée! C'est ça, prends le blâme pour le gars qui a oublié d'ouvrir le micro! Et du côté... du côté francophone, eh bien, on a monté de la 19e position. C'était Félix Diotte et Je cours avec Evelyne Brochu. On a aussi entendu les positions numéro 4, donc en anglophone, Bastien Bass avec Up Top qui monte de la 18e place, numéro entrée de la semaine passée. Et l'ancien numéro 1 francophone, eh bien, c'était Ici-bas de Mon doux Seigneur. C'est la dernière fois qu'on l'entend top, probablement, parce que ça fait quand même un bon bout qu'elle est là, 7 semaines. Effectivement, effectivement. D'après moi, ça tire à sa fin, cette gloire. On surveille ça de près. Ah, exactement. Hein? Tout à l'heure, après le numéro 2, on va faire Huile de palmarès, la petite section de découverte musicale. Tania, qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Du rap québécois, du hip-hop, vous allez voir. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Jamais? Si vous avez déjà entendu ça, là, vous êtes comme un vrai tripeux de rap. Ouais. Ou c'est moi qui est vraiment pas connaisseuse. Ça se peut, des gens qui aiment beaucoup le rap, qui écoutent, c'est fou, tu sais. Ça se peut on aussi. On peut aimer plusieurs mais styles. Mais c'est sûr qu'on n'a jamais entendu ça à la radio. Et voilà. Et quelqu'un que vous connaissez. Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est intriguant, ça. Pour ce numéro 2, en anglophone de Pac 80 avec une pièce qui est stable par rapport à la semaine passée, c'est Dollhouse. Et du côté francophone, on a réussi à monter de 2 positions pour Danny Placard et Full Face. Et je pense que là, on est mieux d'arrêter de parler. Ouais, hein? Sinon, il va nous le dire. Cesse de parler, ah. Je t'en supplie. Tu vois, je te l'avais dit. C'est pas mal assez fou. Je voudrais rester seul. On sait que la nuit est en notre audit. Quand le jour se ferme la gueule, je mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. Je fais du vacarme pour te faire. Thank you. 2. It's magical, all for show, illogical. Stable en deuxième position du palmarès anglophone par The Pack 80. Et du côté francophone, eh bien, c'était Danny Placard avec Full Face. Mm-hmm. Et maintenant, on va passer au numéro 1. Ok, oui. Oui, c'est au qu'est-ce tour passe-t-il? De la chronique Huile de palmarès. Huile de palmarès, la chronique où on découvre de la musique avec Tania. Et... c'est bien ça, Mathieu. Et du hip-hop aujourd'hui en plus. Oui, un petit peu comme dans la même lignée du dernier segment, en fait, la dernière fois qu'on a fait l'huile de palme. Je m'en souviens comme c'était hier. Oui, tout à fait. On a entendu des artistes qui étaient complètement différents les uns des autres. Pourtant, aujourd'hui, comme je vous disais, ça va faire style Oreo un peu. OK. OK? Je vous explique. Est-ce que c'est tu parles de leur couleur de peau? Non, non, je parle de comment on a décidé de vous présenter le tout. Ah. En fait, ça va être le même band deux fois, mais au milieu, vous allez avoir une petite couche de crème. C'est à l'allouche d'une même. Hein? Ouais, je sais, c'est tellement dégueulasse. La première chanson que je vais vous faire écouter, ça s'appelle Morning Light. Morning Lights, en fait, au pluriel. Ouais. Ça va toujours mieux comme ça quand on le dit correctement. Et j'ai comme un problème de micro, genre, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas qui tourne? Tu peux pas te suivre. Attendez, faut que je twiste mon micro. Okay. Hey, le micro 1 fait ça en permanence, ça m'énerve okay, tellement. Bon. Je suis tout en train de le tenir. Là. Ah, qu'on est bien équipé. Mon fil était entouré autour de mon micro. Fait, là, mon micro tournait, j'essayais de c'est le comme suivre. Un cordon ombilical. Oui. C'est ça. Tabarouette. Je m'attendais pas à ça. Non? Non, du tout. La première chanson que je vais vous faire écouter, c'est Morning Lights d'un duo. Vous connaissez peut-être un des deux gars, en fait, parce que c'est un des gars qui s'est retrouvé à Occupation 2. Arrête donc! Je te le jure, mais ce gars-là rappe. C'est incroyable. C'est-tu celui qui a comme un S par rapport dans son nom, le Sandrick? Non, c'est Adamo, c'est l'italien, en fait. C'est drôle parce que tu dis italien, tu rappes, qu'est-ce qui va pas? Mais vous allez voir, non, c'est excellent. C'est ça. Et c'est, comme je le disais, c'est un duo. Alors, il y a G7 ou G7, ça dépend comment vous voulez le voir. Et Adamo, qui est plutôt connu sous le nom de Dissa Renault dans ce groupe-là. C'est pas une sorte d'alcool, ça? Oui, c'est une sorte d'alcool, exactement. Alors, Morning Lights, c'est excellent. Après ça, vous allez entendre une autre tune, puis on se reparle après. OK, tu vas être capable de parler, tu vas avoir un micro comme faux placé. Je vais essayer. C'est Huile de Palmarès. Au 89 FM. Les yeux braqués sur l'avenir parce que le présent est presque déjà loin. Tu te poses plein de questions sur ta vie pour comprendre que ça sert à rien. Pour le reste on verra bien, il faut que tu penses à toi. M'amène à la sortie des bars à 3 AM, c'est là qu'on fait le lien. C'est là qu'on fait le lien. C'est là qu'on fait le lien. C'est là qu'on fait le lien. C'est là qu'on fait le lien. Je me pose les mêmes questions depuis des années. Fuck it, j'fais le con, j'aime déconner, moins de pression, plus de fun. Et si j'bois, c'est pour mes vannes. Get drunk, get wild. Oh ouais, c'est pas bien aller, j'ai plus le goût de m'en faire. Tout le temps high. What the fuck, ma caisse est vide. Oups, my bad, où j'm'en vais. J'pourrais bien aller où j'veux, mes vies, mes jouets douteux. Ben j'me retrouve dans marde. Up and down, touch the ground. Relève-toi, fuck them all. Hangover, rien de bon sauf plein de love, then game over. C'est la roue qui tourne dans le mauvais sens. J'ai de la misère à faire ce que j'aime parce que dès que je me lève, je suis poké. La veille c'était rough avec les boys, mais s'ils veulent sortir, ok. I'm done, je vais finir par faire le VDC et de quoi de bon, je vois le monde qui est sur mon équipe. Mais on est real, on aime vivre, c'est mes frères aussi. Y'a quelque chose, on est prêt pour se défendre, c'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ce qu'on le fait. On le fait pour tous ces gens qui crient à fond jusqu'à en perdre les poumons. Mais je vis pour moi et pas pour eux. Jamais je pourrais plaire à tout le monde. Jeune et live et puis la route est longue jusqu'au morning lights. Quand le crew est drunk, alcool all night, c'est le pouls des hommes. Si ton monde est plate, faut que tu coupes les ponts. Si tous tes plans ont changé et que tu crois que ton monde est fade, moi je vais t'accompagner dans la chaleur des morning lights. Hangover dans le civic bleu devant un paysage à en couper le souffle. Je suis mon cœur tant que brillent mes yeux, c'est le vrai visage. Pour cela couler douce, trépise vers mon mojo. Et no joke, c'est autre chose. La vie, c'est du slow-mo. Il est trop tôt pour faire autre chose. Marche dans le noir, rap dans le soir. Craque un joint, puis une bouteille de force. Jusqu'à gagner du temps, jusqu'à marquer les gens. Et qu'on change de décor pour en perdre le nord. Hey. Change de décor pour en perdre le nord. Hey. Change de décor pour en perdre le nord. Hey. Change de décor pour en perdre le nord. Hey. Change de décor pour en perdre le nord. Perdre le nord. Yeah.

C'était Corias, ah ouais, avec Love Supreme et Sabrina Hald. Et avant ça, vous avez entendu Gros Big, comme je vous le disais, un duo qui n'a jamais passé à la radio. Pourtant, c'est vraiment écoutable. Ouais, c'est très bon. C'est très écoutable. Ben, tu sais, écoute, j'ai écouté une couple de leurs tunes parce que j'étais un peu intriguée quand j'ai découvert que c'était le gars d'Occupation Double qui chantait. Ben oui. Parce que j'ai découvert le band avant de savoir que c'était le gars d'Occupation Double. Chance. Et j'ai fortement aimé ça. Alors, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse découvrir ça à notre auditoire. Absolument. Très j'espère, bon choix. J'espère que vous avez apprécié. On est pressé un petit peu dans le temps. On va tout de suite entendre au numéro 1. Donc, du côté anglophone, Partner avec Everybody Knows You're High. C'est ce qui monte de 3 places. C'était en 4e la semaine passée. C'est maintenant au sommet. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1. Numéro 2, voici Pony de... avec Phoenix. C'est ça. Au pas mal, c'est fou. Au 89 FM. We'll be right back. she had to go too. And on the deck while I waited for her to get dressed, it sparked up another one, and I was such a mess that I confess that my professor wouldn't look me in the eye. You see, everybody knows you're high. Everybody Knows You're High par Partner, le numéro 1 anglophone. Du côté francophone, eh bien, c'était Pony avec Phoenix. Voilà, c'est Phoenix pour l'émission d'aujourd'hui. Oh. On se retrouve du lundi au jeudi entre midi et 13h. Édition week-end les samedis à midi. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Blanc. Bye. Bye.